Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. On se tue à vous le dire, et c'est lundi plus précisément, il est 19h, passé de quelques minutes, et vous êtes bien sûr Osmose Radio, mes petits loups, et vous êtes bien dans l'heure du loup, et on commençait avec Jessie Garon, et ce titre qui est chanté au début des années 80, c'est lundi, mais quelques 30 années plus tard, on est toujours lundi, et c'est toujours un peu la déprime en ces débuts de semaine, sauf ce soir, puisque je vous ai concocté une petite playlist, histoire de vous remonter un petit peu le moral, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et on commençait donc avec ce gars, Jessie Garon, dont on a une image un petit peu de pitre, parce que ce mec, il faisait un peu l'andouille au début des années 80 avec ce genre de rockabilly un peu bon enfant. Et en fait, ce mec, pour l'anecdote, c'est vraiment une tronche. Il a des diplômes universitaires en veux-tu en voilà. Enfin, c'est un archéologue et tout. Le mec, il a des neurones qui sont bien connectés, je vous le dis. Un autre qui faisait le pitre, mais c'était il y a bien longtemps, celui-là, c'était Boris Vian, qui, avec son collègue Henri Salvador, composait le premier rock'n'roll qu'on a eu l'occasion d'entendre en France. C'était dans les années 50 et c'est tout de suite dans l'heure du loup. Va te faire cuire un œuf! Je me décarcasse pour te dégoter du boulot. Tu vis chez moi comme un salaud. Tu mets mes fringues et mes limaces, mon pote. J'en ai marre de faire le crétin. Tu prends ma soupe et ma barbaque. Tu passes ma femme dans les coins noirs. Tu fumes mes pipes et mes cigares. Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote. Demain, demain dans le premier train, bon. Oh, va te faire cuire un œuf, man. Va te faire cuire un œuf, man. Va te faire cuire un œuf, man. Tu t'es trop foutu de moi. Oh, va te faire cuire un œuf, man. Va te faire cuire un œuf, man. Va te faire cuire un œuf, man. Tu peux rentrer chez toi. Y'a des mois, y'a des mois, y'a des mois, y'a des mois. de se procurer. Oui, mais moi, je te fous mon pied sur la figure. Oh, va te faire cuire à neuf mains, va te faire cuire à neuf mains, va te faire cuire à neuf mains. Et surtout ne reviens pas, car si tu reviens, j'en fais le serment, tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain blanc, tu peux aller me cuire à neuf. Tu peux rentrer chez toi. Y a des moi. De ce truc dur. Oui, mais moi. Je vais te foutre mon pied sur la figure. Oh, va te faire cuire un œuf. Et surtout ne viens pas. Si tu reviens, j'en fais le serment, tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain blanc, tu peux aller dormir à neuf, mon colon. Vous n'aimez pas le rock, la new wave, vous n'aimez pas le bon esprit, ben allez vous faire cuire un œuf, c'est tout ce que j'ai à dire en ce début d'émission, mes petits loups. Et à l'instant, c'était donc Henri Salvador sur une chanson composée par Boris Vian, Va te faire cuire un œuf. Comme je le disais, c'était le premier rock'n'roll qu'on a eu l'occasion d'entendre en France, pas le dernier. Alors, chers amis, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, je m'en excuse, mais pour le coup, j'y étais vraiment pour rien, puisque les petits lutins de la technique et les mauvais génies des ordinateurs nous ont fait un petit coup de puisque le flux audio s'est planté pendant une douzaine d'heures, on n'a plus Osmose Radio, et Abel, le plus gentil technicien de la radio française, mais aussi le plus poissard des fois, a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu rétablir la diffusion pour l'heure du loup. Du coup, pas d'émission la semaine dernière. Et c'est ballot parce que je vous avais concocté une petite playlist, comme c'était le lundi 31 mars, une petite playlist Poisson d'avril, avec les trucs, des tas de trucs bien pourris que j'avais dénichés à droite à gauche. Et je m'étais dit que j'allais vous faire un medley de tout ça, puis vous le diffuser, histoire un peu de... Puisque les pollins vous rendent peut-être malade et vous font peut-être couler le nez, c'est assez dur, et vous font pleurer. Et bien moi, j'avais envie de vous remonter un petit peu avec une musique de circonstance. Mais bon, last but not least, comme on dit en France, et bien j'avais envie de vous décaler cette playlist d'une semaine histoire de vous la diffuser quand même. Alors on va continuer dans cet ordre d'idées, hein, de musique un peu sympa, un peu rigolote, voire drôle, même amusante parfois, et qui déclenche l'hilarité et toutes ces sortes de choses avec un groupe de la région, un groupe que j'aime bien, les Robert. En fait, c'est un quatuor avec deux gars, deux filles, et selon leur propre aveu, hein, les filles, comme elles ont des petits nibards, et bon, elles ont appelé leur groupe les Robert. Voilà, et on va s'écouter tout de suite un extrait de leur premier EP. C'était il y a quelques années et le morceau s'appelle Est-ce que tu slip ? Est-ce que tu slip ? Quand tu dors, laisse-tu ton oiseau blanc ? Est-ce que tu slip ? Quand tu dors ? Thank you.

convaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice versa. Et vice versa. D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds, et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue et jaune et mauve, et insoupçonnée de nos rêveries mauves et bleues et jaunes et pourpres et paraboliques, et vice-versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice versa. Et vice versa. Osmose Radio, c'est complètement glucose. Et y compris l'heure du loup d'ailleurs. Et vice versa. À l'instant, c'était un délire des inconnus. Et au début des années 90, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent sans doute. C'était Tranxen 200, donc un groupe parodique qu'ils avaient créé donc dans une de leurs émissions télé, qui parodiait gentiment les Mylène Farmer, les Calogero et les Jean-Louis Murat, etc., tous ces chanteurs romantiques de l'époque. Et c'était enchaîné juste avant avec les Fatal Picard, et qui, eux, parodiaient les ados gothiques qui se la pètent avec le titre « Cure toujours ». Voilà, donc si j'ai des gothiques romantiques qui m'écoutent, je crois que je les ai définitivement perdus. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio, chers amis. On est encore ensemble pour une petite demi-heure de conneries, de morceaux parodiques, de trucs et de machins. J'espère que je vous aurai au moins remonté un petit peu le moral pendant cette première demi-heure. Et croyez bien que je vais vous achever pendant la seconde. Je vais vous achever avec un truc qui m'a bien plu récemment. Et là, par contre, il ne s'agit pas du tout de musique. Hein. Je vous parlais des Inconnus à l'instant. Et ils sont intervenus à la télé à une époque où on avait peut-être plus de liberté de parole, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai un petit peu de mal avec les humoristes télé, hein, les Gaspard Proust et consorts. Et là, les grands éclats de rire de ces derniers temps, je les dois souvent à Internet. Il y a heureusement les journaux, il y a heureusement la radio, mais c'est vrai qu'Internet m'apporte beaucoup à ce niveau-là. Et récemment, il y a deux mois en fait, j'ai découvert un gars qui s'énerve, qui enregistre des podcasts, qui met sur YouTube, et qui s'énerve en commentant l'actualité. À la base, le mec, il avait publié ça, donc Mathieu, pour ne pas le nommer, il avait publié ça pour travailler son jeu d'acteur, puisqu'à la base il est comédien, et en fait ça a fait tellement de succès que ça lui a un petit peu échappé, mais il continue. Et le podcast s'appelle Bonjour Tristesse. Alors ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Françoise Sagan, hein, c'est simplement un commentaire assez mélancolique et énervé sur l'actualité contemporaine. Et donc ce mec-là, lui tout seul, est 10 fois plus talentueux que Gaspard Proust et Nicolas Bedos. Et pour vous en faire une idée, moi je vous propose le premier podcast avec lequel je l'ai découvert en fait. Il commentait l'actualité de début février. C'était son podcast du lundi 9 février, parce que c'est un peu comme l'heure du loup, hein. Tous les lundis, il enregistrait une vidéo et il la met sur Internet. Et moi je vous propose d'écouter ça. Donc je vous préviens, hein, par contre, c'est à vos risques et périls, c'est extrêmement vulgaire, c'est assez féroce et violent, mais c'est beaucoup plus pertinent que ce que vous entendrez jamais au journal de 20h. Donc je vous laisse avec Mathieu. Bonjour Tristesse, à vos risques et périls, moi je vous retrouve dans 5 minutes. Bonjour Tristesse, Vous êtes bien dans le pays où on peut balancer de l'acide à la gueule des Roms sans créer aucun remous, mais que si tu pètes sur un plateau télé, Patrick Cohen, il a le pouvoir de te faire recoudre le cul. On est la 5e semaine de l'année et la luminosité, elle est en mode low battery sur le pays des lumières. Il y a tellement d'enculés, il fait sombre, on sait plus. T'es un enculé, toi? Non? T'es un enculé, toi? Non? Ah, monsieur Zemmour, je vous pose pas la question, hein, vous, hein. De l'acide à la gueule d'être humain, vous vous rendez compte? Mais pourquoi vous détestez autant les Roms? Moi, je sais pas, je déteste que des gens qui baissent des meufs et le peuple, qui foutent rien et qui ont plein d'oseilles, des gens dont j'envie la position. Mais les Roms, ouais, mais ça se voit, t'as pas vu leur camp, hein, c'est plein de BMW. Mais déjà, le mec, il habite sur le périph', alors faut qu'il soit prêt, le mec. Et en plus, non, c'est pas plein de BMW. Et puis, quand bien même, ce serait plein de BMW. Putain, mais t'es con, quoi, t'es fâché avec les maths? Tu préfères avoir une maison, une Clio ou une BMW, une cabane? Bon, bah voilà, fin du débat. Eh, au pire, tu les ignores, mais arrête de les mépriser parce que tu vas aller en enfer, mon copain, ça fait pas un pli, ça. Également, cette semaine, il y a une meuf qui a écrit une lettre au président de la République pour lui dire qu'il fallait changer la Marianne parce qu'elle était inspirée d'une fémène. Et elle a dit, en gros, j'en ai marre d'écher le cul d'une pute à chaque fois que j'ai envie d'envoyer un courrier. Je grossis le trait, mais c'est le même crayon. Alors, les fémènes, c'est quoi? C'est des meufs, elles sont arrivées en 2013 en disant le féministe, c'est de montrer ses nichons comme ça et de se mettre à gueuler comme une pute. De toute évidence, les meufs, elles sont jamais passées par le Cap d'Agde parce que c'est plein de fémènes là-bas. Et nous, on a une histoire du féminisme, on a eu mai 68 quand même, merde. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, en 2014, c'est quoi le féminisme? Une meilleure répartition des tâches ménagères, une plus grande répression des actes de violence sexuelle, une égalité des salaires, une meilleure représentation politique, un petit peu moins de dictates de beauté qui vous complexent, mesdames, et surtout un petit peu moins de mandales dans la gueule quand tu rentres à la baraque, copine. C'est ça le féminisme. Alors Ina, arrête de nous casser les burnes là, tu sais quoi? J'ai vu que dans ton pays, là, il y avait de vraies revendications à avoir. Va sur les barricades là en Ukraine, te mettre nichon à l'air et te mettre ta gueule, vas-y, vas-y. On te regarde te faire défoncer, là, bouffonne. Là. Également, alors cette semaine, nous les Français, on juge des protagonistes du génocide du Rwanda. Alors sachant que nous, on a aidé l'armée rwandaise, on a participé activement au massacre de centaines de milliers de gens, donc le mec il nous regarde, il dit bah pourquoi tu me juges, toi t'es encore plus un enculé que moi, il dit ferme ta gueule, c'est la France, tu vas prendre perpète. Nous, grande tradition voltairienne, c'est-à-dire que Voltaire il avait écrit de la main droite le nègre de Suriname, grand pamphlet contre l'esclavage, et de la main gauche il prenait son petit bif dans le commerce triangulaire, et bah c'est exactement pareil, donc là c'est un peu comme si Marc Dutroux il jugeait les parents des enfants qu'il a violés pour négligence, même concept, mais c'est la France, tu fermes ta gueule, c'est comme ça, tu la ferme surtout. Également, il y a les voitures à chauffeurs qui ont gagné leur recours au Conseil d'État contre les taxis. Ils n'auront pas à attendre 15 minutes leurs clients. Tiens, on t'achète les taxis. De toute façon, nous, on vous déteste. Chez nous, déjà, au début, moi, je croyais que les taxis, c'était réservé aux Parisiens. Un jour, j'ai demandé, excuse-moi, j'ai un trajet de 15 minutes à faire, c'est combien? Il m'a dit 50 balles. J'ai 50 balles? Mais putain, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas m'expliquer si Dieu il existe, mon copain, parce que à part rouler, je vois pas trop ce que tu fais là. Mais, et les seules fois où on a besoin de vous, de toute façon, c'est quand on est dans la nuit, on sort de boîte, on a besoin de rentrer, et vous nous dites, non, je veux pas rentrer à vide. Ouais, mais c'est ton boulot de nous conduire. Non, je veux pas. Eh, mais putain, je vais te donner 80 balles pour un trajet de 30 minutes que je fais gratis tous les jours. T'as pas non plus inventé le vaccin contre le sida, mon gars, si tu veux faire plus d'oseille, tu vas jouer au PMU ou tu fais de la politique. Putain, mais va te faire enculer à un moment donné. Enfin, cette semaine, c'était les 10 ans de Facebook. Alors, les 10 ans de Facebook, on a eu le droit à un florilège de vidéos de merde, là, ne refaites jamais ça. Mais surtout, il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Les invitations pour les jeux, arrêtez ça maintenant. On va lister vos noms. Hein. C'est-à-dire, écoute, si tu veux avoir gagné des vies sur Candy Crush parce que la tienne est pathétique, tu changes l'heure de ton téléphone. Si t'as pas encore compris ça, t'es un narvalo. Et également, les parents qui font le suivi médical de leur enfant sur Facebook. Là. Alors, cette semaine, il a fait caca un peu moins mou. Il avait 37,2 de fièvre. Il va manger des haricots. Mais ferme ta gueule. Hésite jamais à attraper qu'on s'en branle, putain. Eh, on n'a pas de mots, mais arrête de dégoûter les autres. Ok, hein, Facebook, c'est pas un carnet de santé, bordel de merde. Alors, arrête. On va se détendre maintenant avec trois big up, les trois big up de la semaine. Les trois big up de la semaine, c'est Béatrice Bourge qui avait dit, la présidente du printemps français, la manif pour tous, toutes ces conneries. Elle avait dit, je vais faire une crève de la faim, j'en ai ras le bol, crève de la faim. La meuf, elle a croisé un pot de caviar au bout de 7 jours, elle a craqué. 7 jours. Eh, écoute-moi bien, c'est peut-être pas la peine d'appeler, de convoquer une conférence de presse pour annoncer tes régimes, copine. Ok, d'accord. Également, il y a un mec qui avait un commerce, il était pas content parce qu'il y avait une ligne continue qui empêchait les clients de tourner vers son commerce. Et ben, il s'est levé la nuit, il a dessiné une petite ligne en pointillé. Donc voilà. Eh ben, mon gars, t'as peut-être pas fait marrer les keufs et t'auras peut-être pas plus de clients, mais t'es un pragmatique, t'as raison, il faudrait plus de gens comme toi. Enfin, il y a des gens qui ont braqué un magasin de chaussures à la mitraillette. Adaptez vos outils, les copains, vous allez finir par vous rendre impopulaire avec vos conneries, hein, je vous le dis. Bon, cette semaine, enfin, vous saurez qu'un ouvrier en France a deux fois plus de chances de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans qu'une profession libérale. Mais faites pas la gueule, vous êtes pas le fils de Nadine Morano, et ça, c'est pas dégueulasse. Allez, bonne semaine. Voilà, donc faut croire que Desproges et Coluche se sont réincarnés, non peut-être pas tout à fait quand même, mais en tout cas moi j'aime bien ce mélange de férocité et d'humour et puis de pertinence de toute manière, même s'il est parfois un peu injuste, c'est quand même beaucoup plus cohérent que pas mal de trucs qu'on entend notamment à la télé, hein, pour ne pas la nommer. Et donc je vous avais prévenu, moi, c'est extrêmement vulgaire, c'est assez violent dans les propos, mais bon sang qu'est-ce que c'est bon! Ça fait vraiment du bien et moi je lui dois à ce gars-là de grands éclats de rire depuis 2 mois pourvu que ça continue. Un petit peu comme Didier Super auparavant. On est toujours dans l'heure du loup sur Osmose Radio les amis. Et donc ce soir c'est une playlist, hein, vous l'aurez compris, avec ce petit écart du côté d'un podcast. Une playlist plutôt consacrée aux trucs parodiques, aux musiques rigolotes, etc. Et on va continuer hein, puisque dans l'heure du loup j'ai tendance parfois à vous passer du métal. Eh bien on va écouter du métal. Mais puisqu'on est en France, puisqu'on est au pays de la chanson, puisqu'on est pays de la valse musette, eh bien on va écouter du métal revu et corrigé par André Verschura. André Verschura donc, qui avec son orchestre les Black Daron reprend les standards du métal et d'ailleurs dans ce medley que je vous propose d'écouter tout de suite, vous reconnaîtrez sans mal les grands succès d'AC/DC, de Scorpions, de Von Halen et tous les grands groupes de métal chevelu des années 80 mais réinterprétés à l'accordéon. Tout de suite André Verschura et les Black Daron. Le roi du bal métal. Avec son accordéon, il fait danser les jeunes sur des airs de musique art. De la Java Foxtrot, on danse le heavy musette. Ça gaz avec André Verschura et son orchestre, les Black Daron. Ah, le tango d'amour. Scorpion, Still Loving Do. En piste les jeunes premiers. Ça chaloupe grave avec le Madison. Les plus téméraires cesseront à la rumba. Incroyable, Iron Maiden, The Troupette. Direction l'Espagne avec la série Paso d'Or. Et viva les cha-cha-cha! À la compile en vente dans tous les supermarchés. Let's go, baby. Quand j'étais petit, le monde avec ma guitare. Ma mère me disait d'aller à l'école. Je lui répondais, ta gueule, j'fais du rock'n'roll. Vous avez tenu jusqu'ici. Pour vous récompenser de votre patience, voici une histoire drôle. C'est l'histoire d'un fou qui repeint son plafond. Et donc un autre fou arrive, il lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. » Voilà. Oh non, Abel, pitié, non, pitié, non, non, pas Tokyo Hotel, baisse-moi ça. Ah, salut les amis, donc vous vous souvenez peut-être de ce groupe qui avait fait mouiller les minettes il y a quelques années, hein. Eh bien, ce soir, si elles écoutent l'émission, j'ose pas imaginer l'état de leurs culottes. Et donc, c'était à l'instant donc la bande Abili, hein, ce groupe allemand qui avait cartonné au mi-temps des années 2000, Tokyo Hotel avec le titre Schrei. Et pourquoi je vous parle, juste avant avec un extrait de l'album Objectif Tune d'Ultra Vomit, Quand j'étais petit, hein, une chanson qu'on a tous chanté dans la cour d'école quand on était petit justement, revu et corrigé à la sauce métal. Et enfin avant c'était une parodie là encore métal accordéon avec André Verschura et les Black Daron, en fait une parodie faite par un Alsacien du nom de DJ Toffel. Alors je vous disais Tokyo Hotel, en fait j'ai appris mardi dernier, donc mardi 1er avril, que le groupe allait se reformer et allait faire une tournée en 2014. Ben croyez bien que j'ai pensé que c'était un poisson d'avril, mais pas du tout, c'est bien une actualité. Bon, ça en enthousiasmera peut-être certains ou certaines plutôt, allez donc savoir. Ça me fait penser un peu à Chantal Goya qui elle aussi repart en tournée quelques années après ses années de gloire. Peut-être c'est le Tokyo Hotel, Chantal Goya, même combat. Allez donc savoir. Moi ce que je sais par contre, c'est qu'en 2008, à l'époque où Tokyo Hotel cartonnait, il y avait des gamins en fait qui s'étaient amusés à faire une parodie qui était vraiment sympa. C'était une petite boîte de vidéos amateurs sur internet là encore qui s'appelait Bretzel Prod, c'était des gens du Schnorr et ils avaient vraiment fait une parodie sympa de Tokyo Hotel, ça s'appelait Tokyo Camping. Alors je vous propose d'écouter enchaîner une interview, enfin une vraie fausse interview vous l'aurez compris, et un titre parodique tout de suite dans l'heure du loup, Tokyo Camping. Le groupe n'existe que depuis 10 jours et pourtant à chacune de leurs apparitions, c'est la cohue, le délire et parfois même la mort pour des fans hystériques de plus en plus déchaînés qui n'hésitent plus à s'immoler en public par amour pour leurs idoles. Aujourd'hui, les Tokyo Camping ont déjà surpassé la popularité des Beatles et se sont même payé le luxe d'égaler les ventes des Watford. Surfant sur la vague manga gothique, les Kids de Ruth Verandyn parcourent la planète à l'occasion de leur tournée mondiale, le Bad Trip World Tour. L'occasion pour nous de les rencontrer et leur demander quels sont les sujets abordés dans leur premier album, Steak Tartare. Bon, mes thèmes favoris, c'est quand même des thèmes assez autobiographiques ou qui parlent de ma vie, comme par exemple Inaltérable Boucherie ou Ignoble Barbarie. Celui-là, il est bien. Des choses vraiment porteuses d'espoir, plus porteuses d'espoir aussi, comme par exemple le Festa des Lombriques ou Bientôt Sous la Terre. C'est, ouais. Bientôt sous la terre. Des morceaux écrits par Alexandre qui vient de rejoindre le groupe. C'est notre réunion au soleil à nous. Un physique irréprochable, une petite frimousse adorable et pourtant ne vous y trompez pas. Vénusia, que les fans ont rapidement rebaptisé la dame au cutter, souffre de TOC. Des troubles obsessionnels compulsifs qui la poussent à castrer violemment et parfois même à main nue les individus qui possèdent un organe génital de type externe. Moi c'est Vénusia, la synthé du groupe. De toute façon je suis indispensable au groupe quoi. Comme on dit toujours, le plus important c'est la synthé. Alors moi c'est Riel. Alors moi dans le groupe je... Chut. Toi, on s'en fout. Depuis peu, Alexandre souffre d'un petit problème oculaire qui l'empêche de voir. Nous avons essayé d'en savoir plus en espérant que ce n'est pas trop grave. Ah non, ça, non, non, ça c'est parce que c'est parce que je suis le dernier arrivé dans le groupe. Alors, ils m'ont bizuté un peu. Ils m'ont attaché un poteau et ils m'ont arraché les yeux à la petite cuillère. Bon, sur le coup, j'ai un peu fait la gueule. Je voyais pas très bien où ils voulaient venir. Ben, avec le recul, je trouve ça vachement sympa. Mais c'est bon esprit, quoi. C'est de la déconne. Ouais. Et puis, de toute façon, ça repousse, non ? Non ? Non, Alexandre, je ne crois pas que ça repousse. Mais les Tokyo Camping l'ont bien compris. Aux baguettes, nul besoin d'avoir 10 sur 10 à chaque œil. Quand leur ancien batteur est décédé par accident lors d'une mutilation surprise, ils ont immédiatement organisé un casting sauvage pour le moins mouvementé. Pour Alexandre, ce qui a fait la différence, c'est bien sûr son talent d'écriture, mais aussi et surtout son sens de l'humour et sa capacité à être un peu chahuté sans se plaindre comme une petite tarlouse. Mais au fait, comment vous vient l'inspiration ? Bah, en général, ça vient juste après l'expiration. Je sais pas quoi. Non, je crois que t'as pas bien compris. Mais... Toi, tu fermes ta gueule ou je t'arrache l'autre ça ? Dans vos textes, on sent beaucoup de peine et de souffrance. Dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous rend triste ou un peu malheureux ? Un chat mort ou un animal blessé sur la route, c'est vrai que ça me fait toujours un pincement au cœur. Vous ne supportez pas qu'il ait pu souffrir ? Non, c'est pas ça, c'est que j'aurais voulu l'écraser moi-même. Avez-vous des projets de collaboration ou peut-être des duos avec d'autres artistes ? Bah, moi perso, je kifferais bien un duo avec Carlos ou Henri Salvador. On a fait une demande d'exhumation à la préfecture, mais apparemment le maire fait bloquer le dossier. Enfin, tout ça c'est magouille et compagnie quoi, c'est piston. Ah ! Oh putain, on m'a mordu ! J'y crois pas, on m'a mordu ! Putain, on m'a mordu ! C'est vrai que bosser avec des morts, c'est beaucoup plus intéressant que de bosser avec des vivants, que je dis rien qu'au niveau du salaire, quoi, c'est beaucoup plus intéressant. Puis les morts, ils sont moins chiants, quoi, je veux dire, ils font moins de... J'ai pas eu mon jus de fruits dans ma loge. Et puis au niveau du maquillage, quoi, bon, je veux dire, impeccable, quoi. Il n'y a rien à faire, je le retouche. Vraiment, quelques petits raccords maquillage, quoi, mais pas grand-chose. D'ailleurs, Xena, elle envisage de mourir normalement demain si le train est à l'heure. 9h17, s'il n'y a pas de grève. S'il n'y a pas de grève. C'est le train du matin ? Il va plus vite le train du matin. Malgré un boycott massif des associations de parents mécontents qui considèrent la musique des Tokyo Camping comme une incitation à la barbarie, le groupe continue les traditionnels lynchages de fans qui, selon la tradition, sont amputés sur scène pendant le rappel final. C'est dans la joie et la bonne humeur que sont ensuite remis à la sortie de leur hôtel des colliers d'intestin à quelques fans privilégiés choisis près des fenêtres et triés sur le volet. Bah ta gueule. On a éventré ton cousin. On a éventré... qui est ton petit frère sur une croix à l'envers. Planter des clous, rouillés en plein milieu de sa route plantaire. J'suis trop vénère, ça me saoule trop grave. Faire mes devoirs alors que de toute façon ça sert à rien vu qu'on va tous mourir. Mourir. Si c'est comme ça, je me suicider. Au moins, il y aura plus personne pour me dire maintenant range ta chambre. Range ta chambre. On va déplumer ton caniche pour voir s'il est beau tout nu. Et si la voix on lui mettra un doigt dans le nez. On va empaler ton grand-père sur un javelot de 4 mètres. Torturer ton père et lui arracher une part brûlée vertèbre. Je te signale que j'ai 15 ans presque et demi. De toute manière, tôt ou tard, on va mourir noyé dans le vomi, alors. Ou dans la piste de pipi, alors c'est bon, quoi. On va t'arracher les gencives, les faire bouffer à ta sœur, et lui couper les orteils des pieds, et l'étrangler. On va lapider ta grand-mère, s'entraîner au lancer par balle, et la vider de ses entrailles. On va extirper les viscères, sauter dessus à pieds joints. Et s'il y en a partout sur les murs, tu les lécheras. On va empaler ton grand-père sur un javelot de 4 mètres. Torturer ton père et lui arracher. À l'instant, Tokyo Camping avec le titre Souffrance douloureuse. Alors vous l'aurez compris, un titre parodique qui se fout de la gueule de Tokyo Hotel, de Kyo, de tous ces groupes, ces boys bands hein, des années 2000. Mais il y en aura d'autres par la suite, j'en suis sûr. Voilà, je suis grave à la bourre, donc je zappe le morceau de fin. C'était ma playlist Poisson d'avril que j'aurais dû vous diffuser lundi dernier, mais que je vous diffuse avec une semaine de retard. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mes loulous. Et puisque j'ai pas le temps de vous passer un morceau de fin ce soir, j'ai quand même envie de conclure avec un peu de sagesse. En l'occurrence, la dernière blague que m'a raconté un petit bout de chou lorsque je faisais du babysitting. Comment ramasse-t-on les papayes? Avec une fourche! Allez, je vous laisse avec ça. Bonne nuit, les amis, et à la semaine prochaine!